got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. David Bowie au paradis, il nous reste les regrets, mais aussi les souvenirs, les chansons, les époques. Et aujourd'hui, mardi 12 janvier, une matinale spéciale pour rendre hommage à David Bowie, notre Bowie. Tous les producteurs, tous les journalistes de France Culture viendront autour de Guillaume Erner et de Mathieu Conquet raconter un souvenir, un moment fort ou leur attachement à David Bowie, c'est à partir de 6h30. Mais pour l'heure, c'est votre réveil culturel, un autre jour est possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis hier, Jean-Pierre Mercier nous raconte l'histoire de Charlie. Charlie, un esprit français. Dans un instant, le deuxième épisode. Et en deuxième partie, je recevrai Maryse Wolinski qui sort un livre tout à la fois en hommage à son mari assassiné, Georges Wolinski, mais aussi une enquête sur ce qui s'est passé ce 7 janvier 2015. « Chérie, je vais à Charlie », c'est le titre de son ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Seuil. On la recevra aux alentours de 6h15. Charlie, un esprit français, par l'historien de la bande dessinée Jean-Pierre Mercier, par ailleurs conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Aujourd'hui, deuxième épisode, un monde bête et méchant, car l'histoire de Charlie commence, et ça vous nous l'avez dit hier, bien avant, et précisément en 1961, avec le lancement d'Harakiri, le mensuel satirique qui a connu une existence folle. Mais avant Harakiri, qu'est-ce qu'il y avait ? Avant Harakiri, il y avait des individus qui étaient passionnés par le dessin de presse, par le dessin d'humour, par la bande dessinée, par tout ça. Et il y avait deux personnes qui sont déterminantes dans l'histoire. François Cavana, on le sait parce qu'il l'a raconté après, fils d'immigrés italiens. Georges Bernier, fils de garde-barrière, je crois, enfin une existence tout à fait improbable. Dicheron, mais ça viendra après. Qui a fait l'Indochine, qui revient de toutes ces histoires. Il rencontre Cavana, qui à l'époque est dessinateur, qui signe Sépia, qui essaye de placer ses petits dessins dans la presse de l'époque, Jour de France, Le Pèlerin, Paris Match, etc., etc., comme des dizaines et des dizaines d'autres. Et ils ont une envie tous les deux. Ils se retrouvent, ils sont copains. Ils ont qu'une envie, c'est de faire leur propre journal. Et en fait, Choron, Bernier, est vendeur, chef des ventes d'une revue qui s'appelle Cordée, un petit éditeur qui fait un petit journal culturel, demi-format, agrafé, avec des petits textes, de la poésie, des choses comme ça, qui sont vendus à la criée. Et les vendeurs, qui sont souvent des étudiants, touchent un petit pourcentage. Mais c'est pas un journal satirique pour autant. Non. C'est un journal culturel, c'est un petit. Il y en a plein des titres comme ça à l'époque. Et c'est de la vente, c'est pas de la vente en kiosque, c'est de la vente directe dans la rue. Est-ce que la presse satirique existe à cette époque-là, puisqu'on parle de la fin des années 50? Il y a Le Canard Enchaîné, il y a quelques autres titres, mais il n'y a pas, enfin, c'est une tradition qui est un peu en sommeil, on va dire. Le Canard, évidemment, existe toujours et est un journal extrêmement important sur la dimension de la révélation, des scoops et des choses de ce genre, puis avec quand même une assez bonne équipe de très bons dessinateurs à l'époque. Et donc Cordée, l'éditeur de Cordée, qui est un vieux monsieur, meurt et Choron prend le pouvoir. Dans des conditions qui sont pas vérifiées, mais ça m'a l'air assez folklorique quand même. En fait, il est chef des ventes, il est très bon, et il a une équipe de type derrière, donc il va voir la veuve, il dit, c'est moi où tout s'arrête. Et donc, il devient l'éditeur, et là, il fait son journal. Il va chercher Cavana. Cavana va chercher Fred, qui est un copain à lui, qui est aussi un dessinateur qui essaie de placer ses petits dessins. Fred a croisé Cabu dans un certain nombre de rédactions. Wolinski, qui a fait la guerre, on est en pleine guerre d'Algérie, qui a fait la guerre d'Algérie, qui a vu, qui quelques temps après a vu tout ça arrive. Rézère, elle a dès le début, dès le numéro 1. Il y a Loeb, qui est scénariste, qui est devenu scénariste de bande dessinée ensuite, qui place lui aussi ses petits dessins. Donc il y a tout ce petit monde-là. Il y a Topor, l'air de rien quand même, c'est pas rien, qui fait partie de ce petit monde. Et il lance le premier journal sur un demi-format, premier numéro, donc fin 61. Et ils le vendent à la criée. Ils font ça 3 numéros, ils se rendent compte que s'il vaudrait mieux se débrouiller autrement, donc ils vont passer par le système classique des nouvelles messageries de la presse parisienne, qui est la distribution par en kiosque sur toute la France. Ils se lancent là-dedans, dans des conditions absolument ahurissante, parce qu'ils ont évidemment pas un rond, ils ont même pas vraiment de locaux. Au tout début, je sais plus lequel, un copain qui est photographe, donc qui a un studio de photographie avec un magasin et quelques bureaux. Quand tout le monde s'en va du magasin de photographie, l'équipe d'Arakiri arrive le soir de 6h jusqu'à minuit, jusqu'à l'heure du dernier métro où on peut rentrer chez soi. Et en fait, ils squattent et ils font ça, ils font leur journal comme ça. Ça rencontre un petit public, mais surtout ça attire l'attention de la censure de l'époque, la fameuse commission de surveillance qui a été instituée avec la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse. Et le journal est mal vu tout de suite, parce qu'il y a un esprit, entre guillemets, vulgaire. Et au 9e numéro, le journal est interdit. Donc il est censuré. Harakiri est interdit. Et Choron et Cavana ont un culot absolument inouï. Ils continuent à faire le numéro 10, le numéro 11, ils les font, ils les impriment et ils les revendent à la criée. Eux, ils connaissent le système, donc ils les revendent à la criée. L'interdiction est relevée, ils reparaissent, ils ont des recommandations. Alors, pour ceux que cet épisode intéresse, parce que ça c'est vraiment, vraiment formidable, il faut lire Bête et méchant de Cavana. Il raconte tout ça dans le détail, c'est vraiment une pinte de bon sens extrêmement alors, drôle. Alors, à quoi ressemble ce harakiri du début des années 60? C'est un journal qui ressemble, c'est entre un faux news magazine, un faux journal culturel. C'est très marqué par, du point de vue graphique, il y a les influences de grands dessinateurs comme Chaval et comme Bosque. Il y a l'influence du New Yorker aussi, ciné par exemple, ne jure que par ça. Ils ont tous été marqués par Steinberg. Ils sont aussi beaucoup marqués par Mad Magazine. Qui est un journal extrêmement important, qui date de 52, donc qui a un petit peu une dizaine d'années auparavant, qui est un journal qui a élevé la satire au rang vraiment d'un très grand art. Hein. Le créateur est Kurtzman, et ils connaissent ça très bien. Et donc, c'est un journal avec des petit texte que Cavana fait, des dessins de Topor, des dessins d'humour. Et alors, ils vont assez vite, des bandes dessinées formidables, en particulier de Fred, c'est là qu'il va publier le Petit Cirque, par exemple, qui est pour moi son chef-d'œuvre, une bande dessinée au sépia formidable. Donc, il y a des BD, il y a un peu de tout ça. Et ils vont commencer à faire c'est pour ça que je parle d'un faux news magazine, ou faire des fausses pubs. Des détournements de publicité, qui est une des grandes spécialités de Mad Magazine. On reprend des pubs et on détourne le message. Et ils vont le faire avec énormément de talent et énormément de violence aussi, parce que là, ils n'hésitent pas. Et ils vont assez vite avoir des problèmes avec les vraies marques qui font des vraies publicités et qui se retrouvent détournées dans Harakiri. Je crois qu'Air France leur fait des procès. Enfin, il y a un ensemble de gens comme ça qui leur et font que des procès. Et que dit cet esprit français? On rappelle, hein, on est en plein gaullisme là. Ben justement, je pense que c'est le mauvais esprit de. C'était le logo qui, enfin le slogan qu'ils ont trouvé et qui est formidable, je trouve, c'est la publicité nous rend cons, la publicité nous prend pour des cons. Et c'était d'essayer de débrancher. On a dit que c'était quelque chose qui annonçait mai 68, je pense que c'est vrai. Même si idéologiquement, c'est pas aussi clair que ça. Ils sont pas vraiment gauchistes. Enfin, mais ils ont à voir avec ça. C'est-à-dire, il y a un unanimisme, il y a une espèce d'esprit comme ça avec la télévision. À l'époque, il y a une ou deux chaînes de télé en noir et blanc. Le journal est fait au ministère de l'Information. Le journal de 8 heures est fait au ministère de l'Information. On l'a su après. Enfin, il y a cette espèce d'esprit comme ça, l'équipe qui... une chape de plomb, et Harakiri, c'est le mauvais esprit. Donc il conteste. Ah oui, c'est le poil à gratter, vraiment. Ah. Et d'une autre manière que, justement, le canard enchaîné. Le canard enchaîné, c'est plus la petite phrase, c'est plus l'allusion politique, c'est plus le jeu de mots, les choses comme ça. Harakiri, Cavana détestait les jeux de mots. Les calembours, il haïssait ça. Et ce qui est important aussi pour Harakiri, c'est que, à la fois, Cavana était un très grand écrivain, il l'a montré après, mais c'est un ancien dessinateur. Et il a eu une équipe formidable, GB, Volinsky, Cabu, Rezer, après, Willem est arrivé. Et il les a quelque part, Volinsky, et Rezer l'a même reconnu ensuite, tous ils l'ont reconnu, il les a amenés vers une forme de dessin. Il faut aller plus loin, il faut être plus rentre-dedans, et aller vers les purs, aller vers quelque chose de plus... Mais quand vous dites que idéologiquement c'était difficile de les situer, ils étaient quand même tous anti-militaristes déjà. Ouais, alors La guerre d'Algérie, et alors, je pense que c'est un élément extrêmement important, la guerre d'Algérie, parce que Cabu y est allé. Cabu, c'était un fils de prof qui est né à Chalon-sur-Marne, je crois, qui a fait des études, tout ça, qui était passionné de dessin, qui a commencé à publier dans la presse à 16 ans, et il s'est retrouvé à la guerre d'Algérie, et il me l'a dit, mais il l'a répété à tout le monde, il est revenu, mais antimilitariste, pour le reste de ses jours, jusqu'à la fin. Il a eu un nombre de procès de l'armée incroyable. Volinsky, lui, a une guerre d'Algérie plus tranquille, mais il n'en a pas non plus gardé un très bon souvenir. Ils étaient tous quand même sur cette ligne-là. Et la guerre d'Algérie, pour cette génération... Et ils étaient plutôt à gauche. Ouais, mais avec des nuances. C'est ça qui est très étonnant, c'est que quand on regarde alors la grande époque de Charlie Hebdo après, il y a à peu près toutes les sensibilités. Et il y a des évolutions. Volinsky dit, moi au début, j'étais complètement apolitique. Je me faisais engueuler par Ciné qui me disait, mais enfin, tu peux pas ne pas avoir d'opinion politique. Et c'est à mai 68 que les écailles lui sont tombées des yeux, qu'il s'est dit, ah oui, il se passe quand même quelque chose. Et ensuite, ils ont tous un peu évolué. Effectivement, Cabu était plus antimilitariste, anarchiste, mais il y en a d'autres, c'était plus nuancé. Et Volinsky va quand même finir par travailler pour l'UMA. Donc, Alors, pour terminer cet épisode consacré à Harakiri, le journal Bête et Méchant, ça, on rappelle que c'était une remarque d'un lecteur, et du coup, le professeur Choron a décidé de garder cette remarque et en faire même le sous-titre d'Harakiri. Est-ce qu'il se vendait, ce journal? Petit à petit, de plus en plus. Au début, pas beaucoup, et puis petit à petit, de plus en plus. Parce que je pense qu'il a fini par correspondre à une sensibilité. C'est là où c'est très amusant, c'est que c'est un journal qui petit à petit a trouvé ses lecteurs et dont l'esprit a commencé à se diffuser parce qu'il correspondait à autre chose. Et c'est l'esprit pré-mai 68 ou? Ouais. Bah, par exemple, moi, j'ai été frappé en reprenant les numéros de voir qu'ils avaient le seul prix à Harakiri qu'ils aient jamais décerné. C'était à Jean-Christophe Averty qui, à l'époque, faisait les raisins verts à la télévision, qui scandalisait les téléspectateurs parce que Jean-Christophe Averty prenait des poupées et il les faisait passer à la moulinette et les téléspectateurs étaient scandalisés. Et Choron passait dans l'émission de Jean-Christophe Averty, il avait sa petite rubrique. Donc il y avait un esprit comme ça qui a à voir aussi avec une partie de l'histoire de cette maison. C'est aussi le pop club de José Arthur où passaient des gens qui étaient comme ça tout à fait étonnants. Et Choron et Cavana l'ont raconté, dès qu'un numéro d'Harakiri sortait, ils allaient voir José Arthur et ils passaient, Arthur faisait le sommaire avec eux, il racontait des histoires, Topor passait, enfin voilà. Donc c'était cet esprit un peu souterrain qui a sorti la passion d'El Fay de Ton pour le jazz, et en particulier le jazz de l'époque, le free jazz de l'époque. C'est des choses qui petit à petit étaient en train de remonter, je veux dire, dans la société française et qui ont éclaté effectivement avec mai 68. Charlie, un esprit français, par Jean-Pierre Mercier. Merci, on se retrouve demain pour le troisième épisode. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et aujourd'hui, mon invité est Maryse Volinsky. Merci beaucoup d'être venue ce matin pour nous parler de votre dernier ouvrage. Chérie, je vais à Charlie. C'est une citation, c'est bien sûr ce que vous dit Georges Volinsky ce matin du 7 janvier. Vous racontez cette journée. On devine à quel point cette journée a dû être dure pour vous. Et pourtant, vous trouvez juste la bonne distance, les mots qu'il faut pour raconter, mais comme une journaliste que vous êtes pas seulement écrivain, vous êtes aussi journaliste. Il y a de tout dans ce livre. L'enquête, parce que vous allez mener une enquête. Une investigation. Une investigation, on peut le dire. Vous avez tout à fait raison de me corriger. Mais il y a aussi le récit intime. Qu'est-ce qui était le plus dur avant de vous lancer dans l'écriture de ce livre, témoignage, déclaration d'amour? Tout a été dur après le 7 janvier. Tout a été très dur parce que j'étais particulièrement protégée par Georges et je me suis retrouvée face à la vraie vie. Donc ça a été extrêmement compliqué. Je suis passée... D'abord, j'étais dans un état de sidération terrible parce que... Et dans le déni, beaucoup. Parce que je n'avais pas eu de parole officielle et je me disais pourquoi... mon gendre, Arnaud Champremier Trigano, est au courant de la mort de mon mari, et pas moi. Donc je suis restée longtemps dans le déni, et ma fille Elsa aussi, parce que Si vous voulez, quand il y a un tel attentat, on s'attend à ce qu'un commandant de police vous appelle. Et là, donc j'arrivais pas à croire que c'était vrai. Et ce qui fait que ce déni me poursuit beaucoup. Et puis ensuite, il y a eu plutôt de l'enfermement. D'ailleurs, je suis pas beaucoup sortie. Enfin, je sortais que quand j'en étais contrainte pour mener des démarches administratives. Et vers le mois de... je me suis beaucoup impliquée dans des hommages. Notamment, il y a eu un hommage en Tunisie. Ensuite, il y a eu un hommage à Briançon, où Georges avait fait quelques années d'études. Et c'est ce jour-là, en fait, à Briançon, j'étais sur une tribune où étaient passés des hommes politiques et où de la région, et où je devais parler de Georges. Et là, j'ai senti comme une force en moi qui me disait que je devais être celle qui va, qui est la dernière phrase de mon livre. Et je me suis dit que j'allais essayer de comprendre, parce que soudain, cette question essentielle m'est venue à l'esprit, c'est-à-dire comment un tel acte de barbarie a-t-il pu avoir lieu dans les locaux d'un journal satirique? Et déjà menacé. Site sensible par la préfecture de police. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui m'a entraînée vers le livre. Et je pense que j'ai écrit pendant l'été où j'étais très seule. Mais de toute façon, même entourée, désormais, je suis vraiment très seule. Et en écrivant ce livre, je pense que j'ai fait une tentative de reconstruction. Reconstruction de moi-même, parce que quand vous êtes plongé dans une telle tragédie, vous perdez une partie de vous-même. C'est 47 ans de vie commune. J'avais 21 ans quand j'ai rencontré Georges. Il a été pour moi une sorte de... Je dis Pygmalion dans le livre, mais c'est le bon côté du Pygmalion, je dirais. Il m'a fait lire des choses que je n'avais pas lues, les Américains du Sud, tout ça. Mais il m'a aussi appris à prendre de la distance et à m'émanciper. Donc c'était plutôt agréable. C'était une vie vraiment très heureuse auprès de cet homme délicieux, intelligent, talentueux. Et donc j'ai écrit finalement avec une certaine facilité parce que quelque chose se passait en moi de positif. Les gens que je rencontrais, qui souvent venaient à moi d'ailleurs, j'ai pas toujours eu à les chercher. M'éclairait, m'apportait de quoi nourrir ma réflexion sur cette question, cette fameuse question-là. Alors naturellement, les failles étaient nombreuses. Elles venaient un peu de partout, ces failles. Elles venaient, j'ai appris ça de la part des comédiens qui se trouvaient face donc à la Comédie Bastille, face au 10 Nicolas Appert. Donc la fourgonnette de police qui surveillait Charlie Hebdo n'avait plus surveillé Charlie Hebdo à partir de la fin novembre. On se demande pourquoi. Alors est-ce qu'il y a eu pression des syndicats qui trouvaient que c'était du luxe de surveiller un journal qui crachait sur tout? C'est ce que vous dites dans votre livre, Maryse Wolanski. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Je n'ai pas eu de confirmation. De toute façon, je n'ai eu de confirmation sur rien. Parce qu'il y a eu beaucoup de langues de bois. Mais moi, je fais ma propre analyse. Et je pense que probablement, il s'agit bien de cela. Puisqu'il y a eu plusieurs tracts, comme quoi, donc, c'était un luxe, que les policiers n'étaient pas faits pour ça, etc. Et puis, il y avait tout le côté Charlie Hebdo aussi. Et que vous racontez? Et puis, en creux, il y a cette extraordinaire histoire d'amour que vous avez eue Avec Georges Wolanski. Et une des preuves d'amour nous fend le cœur quand on lit le livre. C'est-à-dire que pour vous protéger, Maryse, il ne vous racontait pas les problèmes qu'il avait au journal. Non, je n'étais même pas au courant de la fatwa de Charb. Ce qui m'étonne, parce que je suis quand même une très bonne lectrice de journaux. Mais je n'étais pas au courant. Et il ne m'en parlait pas. En revanche, pendant le mois de décembre, il était très sombre. Et il parlait tout le temps de sa mort. Il me disait, et pas qu'à moi d'ailleurs, à mes amis proches aussi. Il me disait, mais chérie, je t'ai pas assez protégée. Qu'est-ce que tu vas faire après ma mort? Je disais, mais pourquoi tu parles de ta mort? Et il en parlait vraiment beaucoup, beaucoup. Mais ça a été, c'est ça qui est triste pour moi, c'est que le mois de décembre a été un mois terrible. Heureusement, nous avons passé les fêtes du premier de l'an chez nos amis Mag à Saint-Paul-de-Vence et il s'est un peu distrait. Il allait mieux, il me semble, quand nous sommes rentrés, il allait mieux. Puis il était très content parce qu'on allait déménager. Donc c'était une nouvelle vie qui commençait. Voilà. Et c'est comme ça que vous commencez ce livre, chérie. Je vais à Charlie. On sait que c'est la rupture avec un appartement que vous avez beaucoup aimé. Et on apprend au passage que ni vous, ni votre mari, époux et amoureux, Georges Wolinski, ne possédez d'appartement à Paris. Vous avez toujours loué à Paris. Oui. Donc vous étiez obligé de quitter l'appartement que l'un et l'autre aimaient, mais il y avait donc une promesse d'une autre vie, et ça commence là, parce que ce 7 janvier, il y avait un appartement à visiter qui vous plaisait, et c'était donc une promesse d'une deuxième vie, vous qui avez connu plusieurs vies ensemble. Bien sûr, la vie sans enfant, enfin la vie sans enfant, la vie avec mes belles-filles, après la vie avec ma fille, notre fille, et puis... plein de vie passe finalement, parce que avec le métier que nous faisons tous les deux, c'était comme si on renouvelait toujours quelque chose, et puis nous partions toujours tous les deux en vacances. Vous savez, là je vois la génération des 40 ans, en tout cas ma fille vit comme ça, ils partent toujours en tribu, avec des enfants, 15 enfants et tout ça. Nous on partait tous les deux, tout le temps, on partait en voyage tous les deux, on faisait tout tous les deux. Et on vivait très bien comme ça. Et il disait souvent, ce que je n'ai pas mis dans le livre, parce que ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, il disait souvent, je n'ai qu'un ami, c'est toi. Et il s'ennuyait avec tout le monde. C'est vrai, il s'ennuyait avec tout le monde. Une fois au cours d'un dîner, il ne parlait pas du tout. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et il m'a répondu, je ne vous écoute pas. Ça, c'était Georges. Et ces post-it amoureux qui vous accompagnent toujours, vous avez exposé Maryse Wolinski, parce que vous le dites d'ailleurs d'une manière très touchante dans ce livre, plein de gens essayent de vous sortir du deuil et vous dites que vous voulez rester dans ce deuil parce que c'est désormais le seul lieu où vous retrouvez Georges Wolinski. Oui, Georges avait coutume de me laisser... des mots quand j'avais des réunions le soir. Et je rentrais, j'avais mon petit mot. Et le dernier mardi soir, j'ai pas eu de mots. Je lui ai dit d'ailleurs le lendemain matin, pourquoi tu m'as pas laissé de mots? Alors il m'a caressé la joue très tendrement. Mais sans doute, je ne sais pas. Il était vraiment mal. Il était vraiment mal. Et je l'ai su d'ailleurs par le patron d'un bistrot qui se trouvait puisque j'ai déménagé depuis, juste à côté de notre appartement du boulevard Saint-Germain. Et j'ai beaucoup parlé avec cet homme, qui est un Algérien, qui connaissait très bien Georges, parce que Georges allait fumer son cigare et boire un verre d'alcool, ça j'en suis sûre, à peu près tous les jours. Et il parlait avec lui. Et il paraît que le mardi, il a dit « Oh, demain, j'ai pas du tout envie d'aller à Charlie Hebdo. Moi, je commence à en avoir assez. Il y a trop de provocations et j'ai peur. » Alors, je pense que cet homme fidèle ne m'a pas raconté n'importe quoi. Mais à moi, il ne m'a rien dit. Et c'est ce que vous dites aussi, Maryse Wolinski. Vous gardez d'ailleurs un voile pudique sur les polémiques qui ont agité cette rédaction avant. Et après ce funeste 7 janvier, vous ne prenez aucun parti, mais vous dites que Georges Wolinski ne laissait jamais tomber ses amis et que pour lui, Charlie, c'était 50 ans. 50 ans de sa vie. Oui. 50 ans de sa vie de travail. Et je pense qu'il ne les aurait jamais fait tomber, tomber. Même s'il pouvait ne pas être d'accord avec eux. Même s'il pouvait ne pas être d'accord, même si Si vous voulez, c'était plus la même génération. Cabana était mort l'année précédente. Bon, il restait Cabu, mais il y avait un changement de génération. Et c'était plus l'ambiance qu'il y avait auparavant. En fait, Georges se ressourçait un peu auparavant, comme il l'a fait avec Roger Théron à Match. Et là, il y allait un peu en traînant les pieds, je dirais. Enfin, ouais, il n'y allait pas tous les mercredis. Ouais, ouais. Et là, c'était un mercredi exceptionnel, donc coïncidence ou pas, enfin, c'est encore le genre de question qu'on peut poser. C'est-à-dire que là, presque tout le monde était là, donc pourquoi ça s'est passé ce jour-là, quoi? Peut-être parce que c'était le premier mercredi de l'année, que... Il paraît que ça se savait, que la réunion de Charlie Hebdo avait lieu le mercredi. Et puis, il y a quand même une information capitale dans votre livre, Maryse Wolinski. Ce sont les derniers dessins de Georges Wolinski pour Charlie. C'est vrai qu'il ne collait pas cette actualité traumatisante, non, aveuglante, qu'il était déjà dans cette chose qui commençait à s'installer ces dernières années, hein, c'est-à-dire voir la vie, avoir un point de vue quasi mystique, philosophique sur son existence, sur le sens de la vie. Absolument. Et il réfléchissait beaucoup à cela. Et ça, au journal, ils aimaient pas trop. Ils lui ont dit qu'ils préféraient de l'actu bien chaude. Vous savez, il faut savoir que Georges, d'abord, c'était un grand observateur de la société et il aimait ça. Et puis, d'autre part, il avait Match et le journal du dimanche, et il était un peu saturé de politique. Donc, quand il arrivait à Charlie Hebdo, c'était comme un exutoire. Quand il travaillait pour Charlie Hebdo, c'était comme un exutoire. Donc, il avait envie de faire autre chose que de la politique, enfin, la religion. Comme c'était au début de l'aventure. Ouais. Voilà, continuer. Le journal prenait une autre forme. Et d'ailleurs, comme je le dis dans le livre, Charles l'avait un peu accroché là-dessus en lui disant « tu viens pas assez souvent et il faudrait que tu fasses des couvertures ». Mais Georges n'avait pas le temps, surtout que il avait commencé à peindre et il avait un projet d'exposition chez Art Curial contre l'art contemporain, puisqu'il faisait des choses vraiment, vraiment fortes contre l'art contemporain. Et donc, il se disait « si je vais... 4 jours par semaine à Charlie Hebdo, je ne pourrais jamais peindre. » Déjà qu'il n'avait pas beaucoup de temps entre tous ses journaux, les publicités, il n'avait pas beaucoup de temps. Et surtout, il voulait prendre du recul vis-à-vis de cette actualité. Oui, absolument. Maryse Wolinski, « Chérie, je vais à Charlie », c'est aux éditions du Seuil qui en profitent pour ressortir ça. C'est moi, quand j'étais jeune, la lettre ouverte de Wolinski, à vous, à ma femme. Très bonne idée, avec un très beau dessin. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous nous faites le générique de fin, comme tous les invités du matin. Il faut juste lire le générique de fin. Merci, Maryse Wolinski. C'était un autre jour et possible. Votre réveil culturel, une émission de Toufik Hakem, pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. Les lève-pas-tôt peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet et Thomas Duterre.